Après avoir appelé à la reprise des tâches d'inventeur, il serait très impoli de ne pas me présenter. Universitaire d'origine bourgeoise et provinciale, enfant du baby-boom et donc exactement contemporain de la grande accélération, j'ai profité à fond de la mondialisation, sans avoir oublié le terroir auquel m'attache une famille de négociants en vin, vin de Bourgogne, dont on prétend qu'ils sont globalisés depuis les Gaulois. Aucun doute, je suis un privilégié. Libre au lecteur d'en conclure que je n'ai pas qualité à parler de ces conflits géosociaux. Mais atterrir, c'est forcément atterrir quelque part. Eh bien moi, c'est en Europe que je veux me poser. C'est vers ce que j'hésite à nommer la patrie européenne que je voudrais me tourner. L'Europe est seule, c'est vrai. Mais seule l'Europe peut reprendre le fil de sa propre histoire. La Terre qu'elle avait voulu saisir comme globe s'offre à elle à nouveau comme le terrestre, par une deuxième chance qu'elle n'a en rien méritée. Voilà qui sied bien à la région du monde qui a la plus grande responsabilité dans l'histoire du déchaînement écologique. Je voudrais être fière d'elle, de cette Europe, toute ridée, toute couturée. Je voudrais l'appeler mon pays. Voilà, j'ai fini. Maintenant, si ça vous dit, c'est à votre tour de vous présenter. Qu'on sache un peu où vous souhaitez atterrir et avec qui vous acceptez de cohabiter. Bonjour Bruno Latour. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Pour cette quatrième et dernière émission en votre compagnie, j'ai lu, comme chaque jour cette semaine, l'un de vos textes. Aujourd'hui, c'était la fin du livre qui s'appelle « Où atterrir ?» sous-titre « Comment s'orienter en politique ?» très utile en ce moment, aux éditions La Découverte. Et dans le texte que je viens de lire, eh bien, on entend une sorte de reprise synthétique de vos interventions de cette semaine, la nécessité d'examiner ce que vous appelez les tâches d'inventaire, pour nous autres qui nous appelons des modernes, substituer à la modernité le modèle écologique, remplacer le globe par le terrestre, afin de réfléchir aux conditions d'habitation et de cohabitation qui vous sont chères finalement. Oui, c'est un bon résumé, effectivement, en particulier cette difficulté de se présenter à nouveau bien, disons. Pourquoi après, c'est se représenter ouais. mal. Alors pourquoi c'est si important de bien se présenter? C'est savoir d'où on parle, mais qui c'est parle. Parce que c'est ce qu'on disait, essayer d'explorer hier, c'est-à-dire si l'universalité est de nouveau à refaire, si la question de l'universalité se rouvre, et de façon, disons, beaucoup plus méticuleuse, avec des collectifs beaucoup plus nombreux qui ont des tas d'idées tout à fait différentes sur la façon dont le monde doit être compris. Mmh. Il faut que les anciens modernes qui pensaient avoir résolu la question de l'universalité avec le globe, la raison, etc., sachent ce qui leur tient, disons. Et donc c'était ça, l'idée d'une anthropologie des modes d'existence et de... Dans une période où s'ouvre une situation diplomatique d'une dureté extrême, mais où la question de l'universalité se repose néanmoins à cause de la question de la Terre, et non plus à cause de la question de l'Empire, disons l'impérialisme d'une raison universelle qui saurait déjà tout ce qui nous est commun, à partir du moment où il faut refaire du commun sous la pression de Gaïa, disons, il est très important de faire cette espèce d'inventaire dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, c'est-à-dire de dire, mais décrivez-vous, vous les modernes, oui. proprement, c'est-à-dire non pas avec les illusions de l'efficacité technique, de la rentabilité économique, de la raison universelle, mais dans la pratique, donnez-nous une description des expériences de ces valeurs auxquelles vous tenez. Et c'est la dimension pragmatique et empirique du travail que j'essaie de faire, et pas simplement moi, parce que c'est aussi un travail collectif, de dire, est-ce que nous sommes capables de décrire l'expérience? C'est quand même tout à fait extraordinaire de penser que les modernes ont tellement de difficultés à décrire leur expérience de la science, de la technique, du droit, etc., et qu'ils le remplacent aussitôt par des versions qui n'ont aucune espèce de réalisme. C'est ça qui m'intéresse depuis le début de mon enquête. La déconnexion, le décalage entre des idées d'un côté et l'expérience de l'autre. Ils ne font pas ce qu'ils disent et ils ne disent pas ce qu'ils font. C'est très bizarre comme... Les modernes. Les modernes, ceux qui s'auto-appellent modernes. C'est une particularité anthropologique pour une raison simple, c'est qu'effectivement, depuis le moment de leur grand empire, en quelque sorte, ils sont détachés des conditions matérielles dont ils profitent, puisqu'il y a le monde dans lequel ils vivent et le monde dont ils vivent, c'est pas le même. Donc ils ont cette situation d'hypocrisie, en tout cas de schizophrénie, qui est tellement typique de la façon dont les modernes se pensent eux-mêmes. Et n'est-ce pas exactement le procès que l'on fait aux hommes politiques aujourd'hui? Le décalage entre un programme, des idées et l'absence de mise en œuvre de cette idée. Oui, mais moi, il se trouve que depuis le début de mon travail, en particulier sur les modes d'existence, mais c'est plutôt revenir à la question du respect pour les hommes politiques et les femmes politiques. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont toujours accusés de tas de mots, mais les mots dont on les accuse sont ceux que les nôtres, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on demande à la politique quelque chose qu'elle ne peut pas donner. De même qu'on a exactement pareil que de la science, on demande à la science des choses qu'elle ne peut pas donner, etc. Toujours cette espèce d'incapacité à décrire l'expérience. Or, l'expérience de la vérité politique, il y a une vérité politique et une fausseté politique, elle est assez difficile à suivre. Et comme nous en avions parlé le mardi, si vous commencez à absorber, ou à aborder plutôt, la question de la vérité ou de la fausseté des hommes politiques à partir de ce petit démon qui est double clic, c'est-à-dire l'idée qu'il faut une transformation absolument indiscutable, il faut une information indiscutable sans aucune transformation, et que donc moi je pense que ça doit être repris par quelqu'un d'autre, par mon représentant de façon absolument fidèle, évidemment tout ce qui est politique ment. Donc il faut faire le deuil d'une représentation parfaite en politique. Oui, alors tous ces termes sur la transparence, etc., sont des termes qui finalement finissent par amenuiser la capacité du politique à faire quelque chose qu'il est le seul à faire, enfin je dis homme ou femme politique, ouais. Qui est la capacité justement de transformer des opinions, indignation, souffrance d'une multitude en une unité provisoire. Et que cette unité provisoire, sous la forme d'un avis, d'un décret, ça peut être officiellement politique, mais ça peut être aussi dans une entreprise, ça peut être votre travail, madame, quand vous serez dans France Inter, où il faudra bien falloir que vous fassiez un travail politique, vous êtes obligé de mouliner des opinions et des volontés de centaines de personnes. Et à un moment, par trahison fidèle, transformation fidèle, toute une série de transformations qui sont assez difficiles à décrire, parce que vous allez dire quelque chose complètement différent de ce qu'ont dit les autres, et néanmoins les autres doivent, si la vérité politique est bien faite, dire « Ah, ce qu'elle dit, moi je l'aurais dit aussi ». Donc c'est toujours de la manipulation? Non, c'est pas de la... manipulation est un des termes cyniques qui permettent... parce qu'il y a aussi des politiques cyniques, naturellement. Mais une manipulation ne suffit pas à faire ça. Parce qu'il faut que... c'est ce que j'appelle le cercle politique... Il faut que la parole que vous aurez obtenue à partir du moulinage, traduction, transformation, trahison, manipulation, si vous voulez, astuce, etc., de la multitude des gens avec qui que vous représentez, ensuite ça revienne sous forme d'injonctions, peut-être d'ordre, de conseils, de programmes. Oui, de plans. Mais alors ça veut dire que là c'est transformé aussi complètement. Mais d'accord, mais alors ça veut dire que le citoyen qui s'apprête à voter, en général, doit savoir qu'il va voter pour quelqu'un. Non seulement il ne faut pas attendre une représentation parfaite et absolue, mais en plus, il doit savoir que la personne pour laquelle il vote est quelqu'un qui aura la distance nécessaire pour se ressaisir de son opinion, en faire un peu ce qu'il veut. C'est plus qu'une délégation, là. C'est une transformation, c'est précisément ce cercle que toute la grande tradition, disons, rhétorique, avait parfaitement compris, c'est-à-dire qu'il y a, en particulier les fameux sophistes de la tradition philosophique, qui avaient parfaitement compris que c'était une opération impossible, la vérité politique, mais que néanmoins, il y a une vérité politique, et que l'erreur absolue à faire, faite évidemment par Socrate, Platon et tous les philosophes après, c'est de dire, on va remplacer... ce que on peut appeler manipulation vue de notre mode d'existence à nous, c'est-à-dire en gros la référence ou la disons un idéal scientifique, on va dire du politique qui ment. Et c'est exactement ce que les philosophes comme Socrate ont fait des sophistes qui eux, les vrais sophistes, pas ceux de mise en scène par Socrate comme des de ridicules manipulateurs. Eh ben oui. On va laisser la parole à Calliclès, si vous voulez bien. Allez-y. Dans le dialogue, le Gorgias de Platon, écoutez ce que Calliclès répond à Socrate, qui effectivement critique non seulement les hommes politiques, mais la philosophie aussi. La philosophie, c'est une chose charmante, à condition de s'y attacher modérément, quand on est jeune. Mais si on passe plus de temps qu'il ne faut à philosopher, c'est une ruine pour l'homme. Aussi doué qu'on soit, si on continue à faire de la philosophie alors qu'on en a passé l'âge, on devient obligatoirement ignorant de tout ce qu'on doit connaître pour être un homme de bien, un homme bien vu. Pourquoi ? Parce que petit à petit on devient ignorant des lois en vigueur dans sa propre cité, on ne connaît plus les formules dont les hommes doivent se servir pour traiter entre eux et pouvoir conclure des affaires privées et des contrats publics. On n'a plus l'expérience des plaisirs et passions humaines. Enfin, pour le dire en un mot, on ne sait plus du tout ce que sont les façons de vivre des hommes. Et s'il arrive qu'on soit impliqué dans une affaire privée ou publique, on s'y rend ridicule. Comme sont ridicules à leur tour, j'imagine, les politiciens qui se trouvent pris dans vos discussions et arguments. Si c'est un homme d'un certain âge que je vois faire de la philosophie, un homme qui n'arrive pas à s'en débarrasser, à mon avis, Socrate, cet homme-là ne mérite que des coups. Cet homme, aussi doué soit-il, ne pourra jamais être autre chose qu'un sous-homme qui cherche à fuir le centre de la cité, la place des débats publics. Oui, un homme comme cela s'en trouve écarté pour tout le reste de sa vie, une vie qu'il passera à chuchoter dans son coin avec 3 ou 4 jeunes gens, sans jamais proférer la moindre parole libre, décisive, efficace. Je crois voir, Bruno Latour, à vos mouvements de main, que vous êtes complètement d'accord avec Calliclès. Ce texte est inouï, parce que, évidemment, ensuite, Calliclès va être considéré comme un salaud. Mais Socrate, enfin, Platon est encore assez honnête, encore assez proche des sophistes, comme l'a très bien montré Barbara Cassin dans ses travaux, pour qu'on entende la vérité profonde de ce que dit Calliclès. C'est-à-dire que lui, il parle de quelque chose qui est original, qui est un mode d'existence à soi, qui va être évidemment déconsidéré par le jugement des philosophes, mais on l'entend encore la vérité politique de cette affaire, c'est-à-dire on est au centre de la cité, c'est absolument pas du tout un mode référentiel, c'est-à-dire où il faut avoir raison, et Socrate va répondre plus loin que, mais oui, mais lui il discute avec de mathématiques avec un beau jeune homme dans un coin et il ne s'occupe pas de ses affaires. Et l'autre dit, bah justement, ouais, le problème des affaires politiques, c'est qu'on doit décider ensemble, dans le bruit et la fureur, au milieu de l'agora, au centre, comme il est dit là, au centre de la cité, avec, et en plus il ajoute, sur des sujets dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire exactement la situation réelle dans laquelle se trouvent les hommes politiques. Et exactement l'inverse de ce que prône Socrate, justement. Oui, c'est l'amour de la vérité prônée par Socrate qui le détourne, qui le fait critiquer, dénigrer la politique. Sauf que la tradition nous dit que c'est Socrate qui est le type formidable, et Calliclès qui est un manipulateur cynique. Ce qui est vrai ensuite, parce qu'il est effectivement construit comme ça, dans le récit de Platon, bien sûr. Mais on entend quand même encore cette vérité profonde qu'il y a un mode d'existence propre aux politiques qui, effectivement, ne peut pas être jugé dans sa vérité par l'autre, disons, ce qui est en train de se mettre en place, qui est la démonstration la mathématique transformée en démonstration philosophique. Bref, tout un problème, un pan d'histoire de la philosophie très intéressant que beaucoup de gens... Oui. On travaillait, qui est intéressant en lui-même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter un peu plus attentivement, en poursuivant l'argument de Cassin, ce que dit Calliclès, et en disant, mais alors c'est quoi ce type de vérité propre? Ben, il a des conditions particulières. On est au milieu de la cité, précisément on ne connaît pas les tenants et les aboutissants des phénomènes, c'est absolument pas la peine de nous transformer ça en problème scientifique. Mmh. Et il y a un effet de manipulation, de transformation, qui est justement qu'une multitude... par le travail de la parole politique, devient une provisoirement. Et que donc les ordres que nous recevons, à partir de ça, sont aussi ceux que nous nous serions donnés. Mmh. C'est la tradition de l'autonomie, disons la grande tradition de ce que c'est que la démocratie, qui est tout fait se donner des règles que nous nous sommes données, n'obéir qu'à des règles que nous nous sommes données. Mais ce travail, ce cercle par lequel je passe d'une souffrance... d'une indignation, ensuite par amalgame, transformation, ça devient une doléance, puis quelque chose comme une décision, puis quelque chose comme une unité, ensuite ça revient sous la forme d'un ordre qui est donné, et cet ordre, mais il va pas être obéi fidèlement. Il va lui aussi être transformé complètement. Et il faut reprendre, et il faut recommencer. Et madame, vous connaîtrez ça quand vous serez dans votre job. Parce que si vous vous dites, mais regardez, moi j'ai pris la décision, je vais être obéi, mais c'est une erreur complète. Le travail de transformation, trahison, qui se passe en aval, c'est-à-dire une fois que la décision est prise, il est aussi considérablement transformé qu'en amont, quand on passe de la multitude des opinions à votre décision. Autrement dit, c'est ça le cercle. Et il faut le reprendre, parce que c'est ce qui est magnifique dans les dialogues de Platon. On entend encore ce travail, mais c'est tellement exigeant la politique. Oui. La vérité politique, le fait de... Et vérité se dit... Alors, elle est où, la vérité politique? Est-ce elle que est dans la qualification de ce cercle. C'est-à-dire, tout ce qui est rond... Alors, évidemment, le Caliclès de Platon, de Socrate, c'est pas ce qu'il fait. Lui, il veut le pouvoir et la puissance, bien sûr. Mais il y a plein de travaux. Machiavel, on va le retrouver chez Machiavel, on va le retrouver chez Schmitt, on va le retrouver dans toute une tradition qui est d'ailleurs souvent un peu considérée comme, toxique. Mais parce Schmitt, qu'elle, c'est sûr, oui. Parce qu'elle parle de la politique telle que la politique a sa propre vérité qui est différente de double clic, de la vérité scientifique, de la vérité juridique, de la vérité technique et surtout de la vérité religieuse. Ouais. Et c'est pour ça que c'est tellement important de préciser exactement quand on est fidèle ou pas, et on l'entend encore une fois, comme on en parlait lundi, l'adverbe « parler politiquement juste », et dans le site qui accompagne le livre « Les modes d'existence », il y a un très joli exemple avec un employé, un politique de Paris, de la mairie de Paris, qu'on fait parler politiquement et qu'on interrompt à chaque fois qu'il sort du politique. C'est très drôle parce qu'on sent très bien. Et de nouveau là, pas exactement aussi précisément que dans les relations amoureuses dont on parlait, on a le sens que ce gars-là ou cette dame-là, elle est en train de nous mentir. Mais le mensonge... C'est ça. Donc il y a quand même du mensonge. Il faut pas dire toute la vérité en politique. Le mensonge n'est pas le mensonge. C'est là le drame actuel. C'est que comme on utilise comme gabarit double clic. Donc double clic, c'est la situation, la pire, c'est-à-dire l'immédiateté. Un double clic, c'est le mouvement qu'on fait avec la société. Je suis ému, j'ai des valeurs, je pense que vous devez dire la même chose. Et évidemment, ça c'est impossible. Représentation immédiate. Donc là, c'est impossible. Ouais. Mais c'est pas ça le bon sens. Mais il y a un sens du politique qui se perd parce que le problème de ce mode, le drame du mode politique. D'un mode d'existence, et si on n'entretient pas le goût, disons, de cette vérité très particulière, il peut disparaître. Mais est-ce que c'est autre chose que ce que Foucault appelait la parésia, le parler vrai en politique? Non, le parésia, c'est un des grands thèmes qui a été beaucoup travaillé par Foucault, d'une de ses approches de ce que c'est que la vérité scientifique, de même que... Politique. Politique. Donc, et dans le travail des modes d'existence, il faut prendre autant de peine à définir la vérité politique que la vérité scientifique, que la vérité juridique. Parce que c'est là où on voit l'intérêt du pluralisme des modes d'existence dont nous parlons depuis le début de la semaine. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un mode bien établi, disons, de ce que c'est que la référence scientifique, que vous pouvez dénigrer ou mépriser cette extraordinaire difficulté à produire des énoncés politiquement justes. Mais alors comment on établit... la limite du vrai ou du faux en politique? Vous dites qu'il y a forcément une partie de trahison, une partie de mensonge. Comment est-ce qu'on évalue la part de mensonge? Le problème, c'est qu'il faut être deux. C'est-à-dire que le représentant et les représentés doivent partager une tradition politique qui permette à ceux qui vont être représentés de savoir qu'en gros, la personne qui va les représenter va dire des choses complètement différentes et que néanmoins, je dois me préparer à ce que je suis en train de dire, va être transformé. Puis transformé encore, puis transformé, mais que j'espère que ça va revenir sur moi après un long travail sous la forme d'une décision auquel je me prêterai. Et c'est le travail de l'autonomie, on voit comme il est difficile. Hein. La politique, elle est impossible. C'est-à-dire que le cercle, c'est ça qui est très passionnant, c'est l'émotion de Socrate, ou de Platon plutôt, devant les sophistes. Ils reconnaissent un mode de vérité, mais qui leur paraît effectivement impossible parce qu'il est extraordinairement exigeant. C'est ça. Et eux, ils considèrent que l'exigence la plus grande, c'est les philosophes, je veux dire, ça va être la démonstration de type, ils ont inspiré des démonstrations géométriques. Mais ça, c'est précisément là où on perd une partie de la pluralité des modes. Parce que ce qui est passionnant, c'est que ce mode est extraordinairement exigeant du politique, et comme il est très exigeant, on va tout faire pour s'en débarrasser, et on va le considérer comme simplement, bah non, il faut le remplacer par du management, c'est-à-dire de l'organisation, qui est un autre mode, par de la science, ce qui est assez catastrophique aussi, par de la religion, on va dire, on va essayer de remplacer ce mode par un autre. Et on va constamment perdre la capacité que nous avons à définir collectivement ce mode qui est pourtant essentiel pour nous. Et je pense qu'un des drames, vous avez cité Où atterrir, la situation ne s'est pas améliorée depuis sa parution. Oui, votre livre Où atterrir a été publié en 2017. Voilà. Bah, depuis, ça s'est pas arrangé. C'est-à-dire que on peut imaginer, ce qui serait dramatique, mais après tout le religieux a un peu disparu aussi, la perte de la capacité à anticiper pour les citoyens qui veulent être représentés, comme pour ceux qui prétendent les représenter, de ce mode de vérité politique. Et donc, on va constamment dire, mais vous me trahissez, ou vous mentez, ou vous manipulez, ou il n'y a aucune différence entre politiquement juste et politiquement faux. Et donc, on va retirer la question de la vérité et abandonner complètement le politique au mensonge. Mais comment fait-on pour... Et peut-on éduquer à la politique? Oui. C'est un apprentissage, je vous le dis, c'est très exigeant. Par quoi ça passe? Par vos travaux? Non, mais pas seulement. Mais ça passe par le fait d'écouter l'expérience que les hommes et les femmes politiques ont quand ils sentent parfaitement, et là il y a un vrai nez, disons, comme pour les vins, là je suis en train de mentir. C'est pas parce que je dis autre chose que ce qu'on me dit, parce que ça, c'est au contraire, c'est mon travail. Mais c'est parce que je ne fais pas tourner le cercle dans la bonne direction. Je ne produis pas ce qu'on résume de façon beaucoup trop rapide au sens de volonté générale ou de bien commun. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer le type de tonalité qu'on trouve dans le mode d'existence politique. C'était le 26 juin 2015. Le président américain Barack Obama a rendu hommage au révérend Clementa Pinckney, qui s'était fait, et 8 paroissiens d'ailleurs, qui étaient abattus lors d'une fusillade qui avait bouleversé l'Amérique. Écoutez la réaction de Barack Obama. By recognizing our common humanity, en reconnaissant que nous faisons tous partie de l'humanité, en donnant la même importance à chaque enfant, indifféremment de la couleur de leur peau ou de la condition sociale dans laquelle ils sont nés, et en faisant ce qui est nécessaire pour que les opportunités deviennent réalité pour chaque Américain, en faisant cela, nous exprimons la grâce de Dieu. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I Alors Bruno Latour, le type de vérité du mode d'existence politique, c'est extraordinaire. Mais justement, c'est ça, c'est savoir à un moment ne plus parler et se mettre à chanter un chant religieux. Il joue évidemment sur la culture des chrétiens noirs américains. Mais c'est le génie de l'opération, c'est justement de rajouter cette dimension. Parce que le début du texte, c'est un moralisme un peu mou, et puis brusquement, il enchaîne, d'abord avec, simplement citant Amazing le psaume, grace. Et ensuite, il commence, et comme c'est l'habitude dans les églises noires en Amérique, tout le monde évidemment connaît parfaitement le texte et le reprend. Et le reprend avec des acclamations qui sont, et ça c'est un amalgame magnifique, entre religion et politique. Ça marche pas toujours, religion et politique, il y a beaucoup de cas où c'est au contraire une catastrophe, mais là ça a rien... Ça donne une intensité à ce qu'il a dit avant, qui était un peu plat, parce que brusquement, tous les affects, qui sont ceux de la culture des psaumes chantés, s'ajoutent à la dimension politique. Et donc, en fait, si on analyse, des amis à moi l'ont analysé très précisément pratiquement phonème par phonème ce grand discours dans une exposition que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelait justement Reset Modernity, qui était et cet exemple était tout à fait passionnant parce que c'est quand même la politique qui gagne dans cette affaire. C'est-à-dire le cercle est bien de reconstruire une unanimité autour de cette parce qu'il horreur. Mise sur le type de sur un certain type de collectif à ce moment-là. Oui, il produit le collectif. La vérité, c'est le test de la vérité ou de la fausseté dans la parole politique, c'est est-ce que vous arrivez à créer le collectif qui, sans ça, n'existe pas. Parce que finalement, un collectif, c'est fait de... Si vous ne le collectez pas, il faut bien quelque chose qui le collecte. Et ce travail de collecte, vous verrez ça quand vous serez directrice, c'est un travail colossal. Je le mettrai à chanter. C'est un travail colossal, parce qu'il faut recommencer tout le temps. Parce que dès que vous arrêtez ce cercle, le collectif s'échappe comme des moineaux. Et il faut compter, et c'est là ce qui est très beau, c'est qu'il compte sur une capacité collective qui est évidemment, elle, venant de la religion. Donc la tentation, évidemment, c'est presque toujours, là c'est un cas de réussite, mais ça peut échouer, c'est de dire, puisque je ne suis pas capable d'obéir aux exigences de cette vérité politique qui est tellement compliquée à mettre en œuvre, je vais me reposer sur autre chose. L'identité, la religion, là ça marche, mais ça peut ne pas marcher dans d'autres cas, et évidemment la science, l'organisation et tout ça. Et le problème, c'est que si vous perdez ces capacités de dénonciation politique digne et le sens de la justesse, au moment où, à cause de la question écologique, on en a besoin de plus. Alors, mais c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, être un homme politique, un bon homme ou une bonne femme politique, en tout cas compétent, c'est une affaire de justesse, de savoir trouver la bonne manière d'exercer le mode d'existence du politique? Est-ce que ça veut dire du coup que le programme est secondaire? Les programmes, ça n'a aucune espèce d'intérêt en politique. C'est... Quand même, ce n'est pas les mêmes modèles de société qui sont proposés d'un côté comme de l'autre. Oui, mais ce n'est pas ce qui définit la justesse. La justesse, c'est ça. Donc pour vous, c'est secondaire, le contenu politique. Oui, parce que de toute façon, les programmes, ils vont être abandonnés. Ils sont la version provisoire de l'unanimité d'un collectif. Mais comment ce programme a-t-il été construit? Est-ce que lui-même est le résultat de ce qui a émergé d'un vrai travail politique, au sens de ce cercle dont on parle, en amont? Pas du tout. La plupart des programmes, je ne veux pas rentrer dans les questions. Non. Nous ne rentrerons pas dans les questions électorales, mais c'est quand même extraordinaire d'imaginer de faire de la politique sans, en amont, avoir construit ce rapport très particulier par lequel une multitude essaye de parler d'une façon une. Oui. Ce travail-là, que le tout parle d'une façon et que les autres disent « Ah, mais ce qui est dit par ce représentant ou cette représentante, c'est ce que je dirais moi au fond. » Et ce travail-là, s'il n'est pas fait en amont, ça ne sert absolument à rien d'avoir un programme. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment cette façon d'apprendre à s'organiser les uns avec les autres et construire petit à petit un contexte social qui est différent, en fait, qui est nouveau. Un territoire de 2000 hectares. Ils l'appellent zone à défendre. Ça donne le ton. Si vous préférez qu'on aille chercher des fourches, on peut faire ça aussi. Hein. Sylvain, le paysan historique de la ZAD. Vous êtes censé partir quand? Depuis le fin mars, on n'est plus chez nous, quoi. On est habitant chez nous, squatteur chez nous, en fait. Habitant sans droit ni titre. On restera quand même, oui. Je vous dis, tant que les troupes de Monsieur Valt ne sont pas arrivées... On bougera pas. Alors, on a défini le type de vérité politique du côté de celui qui exerçait le pouvoir et qui donc doit composer avec une part aussi de mensonge. Vous disiez, Bruno Latour, qu'en est-il du côté des citoyens? Ici, c'était un extrait un reportage à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où on voit bien qu'ici, finalement, là, il y a une transformation des questions politiques en questions territoriales. Ça, c'est le grand choc, disons, du lien entre... ce qui est arrivé à la politique jusqu'ici, disons, avec cette idée que c'était des humains entre eux, socialement, disons, des relations sociales, et qu'il fallait construire cette grosse machine assez compliquée à comprendre, et en fait d'une grande hétérogénéité que nous avons prétendu imposer au reste du monde, qui est le gouvernement représentatif, et qui n'a plus aucune espèce, enfin, qui n'a plus beaucoup de rapport avec la question que, justement, les zadistes, comme beaucoup d'autres, manifestent, et pas simplement eux, mais à peu près... partout, c'est-à-dire que la la représentation politique exige la mise en place, la représentation, c'est-à-dire la manifestation de la terre. Mmh. Et donc là, on a un nouveau problème, c'est que l'ensemble des êtres qui sont représentés par la politique, c'est pas que des humains avec leurs opinions, leurs exigences, leurs souffrances, etc., mais aussi le lieu où vous vous trouvez, et pour beaucoup de ceux-là, en particulier ceux de Notre-Dame-des-Landes, ouais, la doléance, si on peut dire, la souffrance, l'exigence en tout cas, des êtres qui, autrefois, dans la période précédente, auraient été considérés comme de la nature. Et donc c'est un double problème. C'est une expansion de la matérialité de la politique. La politique a toujours parlé de problèmes matériels, évidemment. Mmh. Mais indirectement, c'était quand même toujours sur les humains qu'il s'agissait de représenter. Et brusquement, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire de représenter aussi les êtres à l'intérieur duquel les humains sont, dont les humains dépendent? Extension de la matérialité. Et là, on est un peu perdu, parce qu'on ne sait pas trop comment on parle de toutes ces choses. Alors, il y a d'innombrables exemples. Est-ce qu'on représente les montagnes? Est-ce qu'on donne des droits à la terre, etc.? Mais en général, la transformation que moi j'appelle une transformation de cosmologie, ouais, c'est le territoire, c'est ça que j'appelle atterrir, qui est, l'ancrage, au sens, dans tous les sens, d'ailleurs même les sens un peu réactionnaires de la chose, l'ancrage de la définition du politique, c'est-à-dire avec qui vous voulez vivre, vous avez, ouais, cité, je crois, la thèse, ouais, avec qui vous voulez vivre et sur quel genre de lieu et de territoire, avec quel genre d'être non humain. Question qui est bouleversante pour la philosophie politique, parce que la philosophie politique des Occidentaux, disons, s'est pas posé la question. Chez Rousseau, je crois pas qu'il y ait un mot chez Rousseau sur les non-humains. Ça veut pas dire qu'ils sont pas présents, comme l'a montré très bien. Si, il aime beaucoup les plantes. Quand il fait des plantes, il fait de l'herboristerie. Il n'écrit pas le contrat social. Et c'est le cerf qui écrit le contrat naturel. Donc, le problème, c'est que il va falloir amplifier le nombre d'êtres avec lesquels nous composons les collectifs. Mmh. Et au moment même, on a un peu perdu des capacités politiques. Parce que, dont on parlait tout à l'heure, on a plus de peine à comprendre ce mode qui a sa vérité propre. Je ne parle pas des réseaux sociaux qui compliquent encore un peu plus les choses avec cette idée justement de double clic. Je peux, sans aucun effort, transformer mes opinions et les transporter d'un seul clic. Alors là, pour le coup, en vrai, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Mais je n'ai pas du tout besoin d'argumenter ni de discuter. Donc ça, il faut reconnaître que ça n'aide pas. Mais le problème fondamental, c'est qu'on est en train de changer de cosmologie. Donc en fait, toute cette affaire que j'appelle l'anthropologie des modes d'existence, c'est un travail préparatoire, un travail d'inventaire pour dire, bon, alors maintenant, si on a changé de monde, c'est-à-dire on arrive dans un monde à l'intérieur duquel il va falloir considérer que l'horizon, c'est pas l'universel de la nature au sens de l'infini du cosmos, mais c'est un universel local. C'est Gaïa. Le terrestre, c'est ce que vous appelez. Terrestre, c'est-à-dire on est à l'intérieur d'une petite couche de vivants, parce que c'est bien des vivants qui ont fait le boulot, d'ailleurs essentiellement les virus et les bactéries, mais aussi ensuite les plantes, les champignons, et puis ensuite un peu les animaux, mais pas beaucoup, ils sont pas très lourds les animaux, et puis ensuite les humains. Tout ce travail-là de fabrication, disons, des conditions d'existence dont nous profitons, qui s'est fait quand même, ça a pris 4 milliards d'années, hein, c'est un long travail, ça définit un universel local, qui par rapport, disons, au grand thème d'universel, nous parlons, quand je parle, c'est le cosmos entier qui parle à travers moi. Non, non, on parle d'une condition locale. Et cette condition locale, son autre particularité, qui est très étrange, c'est qu'elle dépend du statut des vivants. Vous citiez hier Morisot, des exemples très, très nombreux de tous les gens qui se disent, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un monde où ce sont les vivants qui sont les êtres, finalement, les plus intéressants? Alors qu'avant, la question, je pense, aurait été plutôt... Quels sont les objets dans lesquels, les objets connus par la science, et que c'est ceux-là qui forment en quelque sorte le fond du monde. Mm. Maintenant, je pense que la grande surprise avec beaucoup de choses un peu bizarres, de cette espèce d'obsession pour les vivants, mais qui est au fond profondément juste, c'est de se dire, mais en fait, je suis, et le virus, évidemment, l'épisode de la pandémie l'a montré encore plus, je suis dépendant d'un monde de vivants dont chacun est différent les uns des autres, donc une spécificité incroyable. Tel virus, c'est pas la même chose que tel autre virus. Tel champignon, c'est pas la même chose que tel champignon. Je parlais, je ne sais plus, mardi, je crois, des zones critiques. Vous pouvez, quand vous les suivez, ces scientifiques-là, ils vous disent, là, l'eau qui coule, elle coule, mais elle va bien vite passer à la rivière. Ah oui, mais là, 2 mètres plus loin, non, là, elle peut disparaître dans la nappe phréatique et elle revient dans 200 ans. Donc, de centimètre par centimètre, de mètre par mètre, vous avez une spécificité du territoire. Et c'est ça qui est nouveau. Oui. C'est plus du tout un territoire, disons, tel que vous l'obtenez par la cartographie. En regardant, ben, vous avez une carte, et puis en gros, c'est l'homogénéité de ce fameux espace dans lequel tous les autres êtres étaient supposés situés. Non, non, c'est un territoire de vivants entremêlés qui sont tous différents. Ça, c'est pas facile à arpenter. Non, et si on fait le lien avec les réflexions sur la politique que vous avez livrée jusque-là, depuis le début de cette émission, on se dit que bon, bah, finalement, l'écologie a toute sa place en politique. Et si je lis dans votre livre Où atterrir, vous dites l'écologie a bien réussi à mouliner de la politique à partir d'objets qui ne faisaient pas partie jusque-là des préoccupations usuelles de la vie publique. Elle est parvenue à extirper la politique d'une définition trop restreinte du monde social. En ce sens, l'écologie politique a pleinement réussi à remplir l'espace public de nouveaux enjeux. Mais, ajoutez-vous, moderniser d'un côté ou écologiser de l'autre, c'est devenu le choix vital. Ça, vous l'aviez dit hier, hein, c'est l'écologie qui est la seule alternative possible à la modernité. Tout le monde en convient. Et pourtant, dites-vous, elle a échoué. Tout le monde en convient également. Pourquoi l'écologie a-t-elle échoué en politique, Bruno Latour? Il faut le faire sans parler des élections, c'est voilà. Ça voilà. On peut lire votre livre. Après, moi, je peux continuer à lire votre livre, mais c'est mieux que vous le disiez vous-même. Non, elle a bizarrement réussi, en sens que tout le monde est un peu conscient du fait que cette question est devenue essentielle. Mais c'est quoi la question, finalement? Il y a une façon réduite d'en parler, de dire la question, c'est qu'il va falloir s'occuper des réseaux d'énergie, il va falloir s'occuper des questions de... des questions, disons, vertes, comme on dit. C'est un ensemble de sujets particuliers. La difficulté, c'est que ce n'est pas un sujet particulier. C'est un sujet qui est au cœur de la définition de l'anthropologie de ceux qui ont été modernes, qui ont essayé de moderniser le reste de la planète, qui sont tombés sur les limites planétaires, comme on dit, et qui sont en situation de recul et d'inventaire en disant « on a fait quoi ?» Et qu'est-ce que ça veut dire de nouveau de se civiliser ? Donc c'est ça le problème, c'est que j'ai écrit un petit livre plus récent qui s'appelle un mémo avec mon ami Nicolas. Et mémo sur la nouvelle classe écologique. J'ai été très amusé d'entendre un des élus écologistes qui l'a lu avec intérêt, qui nous a dit mais l'écologie finalement c'est drôlement intéressant, mais c'est drôlement difficile. Or il était élu écologiste. Donc ça veut dire que les écologistes sont assis sur un trésor, en quelque sorte, de complexité, hein, c'est-à-dire un trésor de questions difficiles, oui, qui sont équivalentes en complexité à celles que les socialistes et les libéraux ont dû travailler en philosophie politique, en droit, en économie, en administration depuis 2 siècles, mais ils commencent seulement, en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours cette espèce de drame qu'on reconnaît dans beaucoup de situations, d'une question qui est à la fois partout présente et en même temps qui n'arrive pas à se représenter publiquement. Comme si, c'est l'équivalent, disons, c'est comme si Rousseau et Montesquieu n'avaient jamais réussi à ce que aucune de leurs idées ne serait devenue, disons, le sens commun d'une époque. On aurait des précurseurs. Rousseau serait un précurseur de quelque chose qui ne serait pas advenu. Montesquieu serait le précurseur d'un système de gouvernement avec une séparation des pouvoirs qui ne serait pas advenue. C'est ça l'équivalent en écologie. On a plein de précurseurs, et plus les historiens de l'environnement travaillent, on trouve plein de précurseurs, mais ça n'est pas ce qui constitue un espace public. Et je pense que la raison, ça fait 30 ans que j'essaie depuis politique de nature de comprendre cette situation étrange, de quelque chose qui est tellement frappant, que c'est le nouveau monde dans lequel nous nous trouvons et qui ne peut pas se représenter. Ouais. Et une des raisons, c'est qu'on fait de l'écologie un problème particulier, qui est extérieur en plus à la sphère sociale. Et on dit il faut cesser de s'intéresser au social, on va se tourner vers la nature. Alors évidemment, si vous faites ça, ça décourage tout le monde. Alors que c'est le cœur, au contraire, de la définition de ce que c'est qu'une civilisation qui est en question. Mais c'est un changement. Cette civilisation, pouf, elle change de paradigme. Quoi. Elle change de cosmologie. Elle était en train d'aller. Finalement, c'est tout à fait extraordinaire quand on commence à faire l'anthropologie des modernes. C'était quoi? Ils allaient où, les modernes? Vers quoi? Ben, c'était très vague. On disait, ce mot d'ordre est quand même stupéfiant. Depuis 50 ans en Afrique, je suis toujours surpris du fait qu'on nous dit toujours modernisez-nous, mais on nous dit jamais vers quoi. Ouais. C'est quoi l'espace territorial de la modernisation? Il y fait quelle température? C'est grand comment, la modernisation? Ça s'habite comment? On s'habille comment? Ce sont des choses qu'on avait essayé de scénariser dans l'exposition Reset Modernity, parce que c'est très drôle de faire l'expérience. Dites-nous, nous allons. Mais on ne sait pas, en fait. Où allons-nous et où atterrir? C'est pour ça qu'atterrir est tellement une assez belle métaphore de la situation. Ben, essayons de nous dire, non, attendez, on ne va pas aller dans le monde, d'ailleurs très mal défini, de la modernité, on va dans un monde de l'écologie. Alors voilà, alors de quelle manière est-ce que l'écologie est liée et donc peut ne pas être sacrifiée au contexte géopolitique actuel avec... Parce qu'elle est la géopolitique. Alors évidemment, en ce moment, avec la guerre d'Ukraine, voilà. On a un rappel de violence parfaitement insupportable, mais en même temps très classique. C'est-à-dire que la géopolitique reste l'occupation d'un sol par un autre, une puissance, avec des tanks. Bon, mais la géopolitique, dans géopolitique, il y a géo. Et géo, c'est la Terre dans toutes ses formes. Et c'est donc la circulation de tous les êtres qui constituent cette Terre. Alors, c'est pas le problème de Poutine et de ses armées. Enfin, jusqu'à ce qu'elle ait des difficultés telles que, finalement, même cette armée, soi-disant, d'une puissance extraordinaire, se trouve interrompue. On ne sait pas. Mais à côté de cette géopolitique, disons, classique, il y a une autre géopolitique, ou plutôt c'est la même, dans laquelle ce sont, et là l'exemple est parfait, on en parlait hier, celui des flux d'énergie, en particulier de pétrole. Évidemment, une société entière qui s'est construite sur le pétrole et sur le gaz, géopolitique, ça sonne un peu différemment quand ce gaz et ce pétrole sert à financer la guerre. Mais précisément, écoutez une des propositions que suggérait François Hollande, c'était le 28 février dernier. Vladimir Poutine, il peut être beaucoup plus entravé qu'il ne le pensait en Ukraine, ce qui est le cas. Il peut être isolé internationalement, il l'est. Il peut avoir des conséquences considérables sur son économie, à la condition qu'il n'est pour l'instant pas rempli, c'est qu'on n'achète plus de gaz et de pétrole à la Russie. C'est vrai que ça va être plus difficile de se fournir. Mais là aussi, la question elle est posée. Est-ce qu'on veut être solidaire? Est-ce qu'on veut créer un rapport de force avec la Russie? Ou est-ce qu'on considère que c'est notre propre confort, notre propre mode de vie qui doit être protégé? À ce moment-là, n'essayons plus d'être une puissance. Fermons les yeux et oublions les Ukrainiens. Alors, est-ce que l'appel à ne plus acheter de gaz russe serait une forme de sanction qui aurait aussi l'avantage d'ancrer le conflit dans quelque chose qui se rapproche plus de l'écologie? C'est très intéressant que Hollande, qui n'est pas connu pour avoir, pendant qu'il était président, fait quoi que ce soit sur l'écologie, justement fasse ce lien. Ouais. Mais pourquoi? Parce que sur les questions de géopolitique classique, de guerre, on est tous compétents. Parce qu'on a tous vu d'innombrables films de guerre. Certains de nos concitoyens ont souffert eux-mêmes de cette guerre. Les tanks dans la neige, on sait, des gens de ma génération, on sait assez très bien ce que c'est. Et donc, on a une série d'affects qui sont préorganisés pour réagir de façon relativement courageuse, ouverte, etc., à une situation de guerre géopolitique classique, comme celle-là. Les affects qu'il s'agit de mobiliser sur les questions de géopolitique, quand c'est des questions dites écologiques, on ne les a pas. On ne les a pas parce que, pour les raisons que d'innombrables historiens essayent de comprendre, c'est-à-dire qu'on est habitué, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'on peut faire, le climat, mais comment vous voulez, par exemple, il fait très chaud aujourd'hui, alors qu'on est juste au début du printemps, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est trop grand pour moi, on n'a pas les affects. Donc, ce qui est passionnant, si j'ose dire, dans la guerre actuelle, c'est que brusquement, les affects alignés proprement, qui sont ceux des guerres classiques, se retrouvent brusquement capables de mobiliser sur un sujet qui est un sujet essentiel, évidemment, de toutes les questions écologiques, qui est le pétrole. Pétrole, gaz, charbon, parce qu'en fait, tous sont liés. qui est à l'origine aussi de l'ignorance des modernes sur eux-mêmes. C'est ça qui est très intéressant. S'il y avait un homme d'État en Europe qui se saisirait de cette connexion, il résoudrait simultanément le problème de la géopolitique classique, c'est-à-dire retrouver enfin des capacités de défense, la question écologique et la question qui fascine et obsède l'extrême droite sur la question de l'identité, qui est une version tout à fait pauvre d'une notion de territoire. Donc on voit qu'en ce moment, les étoiles, disons, mais je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un qui serait capable de se saisir en Europe de cette configuration. Ce serait à l'échelle européenne, en tout cas. Ben, ça, forcément, il y a, de toute façon, le seul être politique intéressant, vraiment vif et innovant, c'est l'Europe. L'Europe unie, je veux dire. On peut peut-être rajouter un bout d'Angleterre là-dedans, mais probablement c'est trop tard. Contre son gré, alors. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir que la rapidité avec laquelle nos affects sont alignés quand il s'agit d'une guerre géopolitique. C'est ça, on est plus prêt à la guerre qu'à la catastrophe écologique. Mais par contre, on voit bien qu'on peut lier les deux sur le sujet qui est un sujet essentiel, qui est celui de l'énergie, et de faire de nouveau la connexion, même Hollande, enfin c'est quand même inouï que même Hollande le fasse, parce que l'histoire longue que montrent très bien les historiens de l'environnement, de l'ignorance des modernes sur eux-mêmes, elle dépend de cette incroyable aubaine d'avoir eu le pétrole, le gaz et le charbon. C'est-à-dire, ils ont considéré que cette aubaine, c'était le destin de la civilisation moderne. Alors que c'était juste un coup de bol. Et ce coup de bol, il faut pas le perdre. Ouais. Maintenant, tout se renverse et se transforme. On peut dire qu'on... C'est pour ça que la situation, le changement de cosmologie dans lequel nous nous trouvons, et ce que j'ai essayé d'aborder avec cette affaire de l'anthropologie des modernes, c'est quand même un des moments historiques les plus intéressants. Où vous avez toute une civilisation qui change de définition de ce que c'est qu'une civilisation. Et qui change aussi sa base matérielle. Parce que vivre à l'intérieur, comme le dit très bien Hollande, ça va pas être facile de se priver du pétrole. Mais en même temps, on voit bien que brusquement, tout redevient intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que toute une civilisation se redonne des conditions matérielles, se réhabitue à vivre dans des conditions matérielles qui sont différentes. Et du coup, tout le reste, la définition de l'altérité, la définition des migrants, la définition de ce que c'est qu'un territoire, la définition de ce que c'est qu'un sujet politique, change. Parce qu'un sujet politique qui est obligé de se préoccuper du sort du climat et du sort de l'eau et du territoire, c'est pas le même qu'avant. Et alors ça, est-ce que ça va être... Si ça peut arriver, c'est le fait d'un seul homme, ou comme le dit Tolstoï, et ce que vous reprenez aussi à votre compte Bruno Latour, le fait au contraire d'une multitude qui parvient à faire un collectif. Ça vient d'où, ce changement? C'est évidemment un changement de civilisation, est un changement collectif. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que simultanément, les questions écologiques, parce qu'elles sont tellement maltraitées, mais en même temps, elles résistent. C'est comme si vous aviez avalé une arête de poisson, disons. C'est plutôt ce genre de choses-là. C'est-à-dire, c'est une douleur dont on ne sait pas comment le faire, mais on sait qu'on ne va pas s'en débarrasser facilement. Et ça oblige à réfléchir à plein d'autres choses. Bah oui, mais à l'échelle individuelle, nous sommes impuissants. Pardon? À l'échelle individuelle, on est impuissants. Oui, mais de toute façon, les individus sont aussi impuissants. Bah voilà. Donc, comment est-ce qu'on construit ce collectif qui, lui, sera à même d'établir la transition que vous appelez de vos voeux? On a construit tous les collectifs, c'est-à-dire, point à point. Tête de pipe par tête de pipe, et c'est toujours ce qui s'est passé. Les socialistes, ils n'étaient pas socialistes, il n'y avait pas de pensée socialiste avant qu'il y ait des socialistes qui fassent le boulot. Le problème, c'est que quel est ce boulot, il faut qu'il soit fait. Et il faut qu'il soit fait de mille façons différentes, c'est-à-dire aussi bien par les activistes dont on parlait tout à l'heure, que par les industriels, les financiers, les banquiers, enfin tout. Mais c'est ce qui se fait d'ailleurs en ce moment. La difficulté, c'est le passage à l'espace public. Et là, de nouveau, c'est frappant de voir la rapidité. Enfin, en deux jours, tout le monde savait ce que c'était que de se positionner par rapport à la guerre de Poutine. En gros, ouverture des frontières, sympathie, transmission de colis, d'armement, etc. Alors que ça fait 40 ans que le GIEC nous dit vous avez une crise de taille beaucoup plus importante et qu'on n'a pas la... Disons, heureusement d'ailleurs, en fait, on n'a pas les habitudes de catastrophes correspondantes. Parce que c'est pas le même genre de catastrophe. Ben non. Malgré le film dont vous avez parlé, je crois, Don't le deuxième jour. Et c'est là où Mais c'est normal, puisque c'est nouveau. C'est la civilisation moderne, rien dans la civilisation moderne, ne nous a préparé à aborder la question écologique. Ni la conception de la science, ni la conception de la politique, ni la conception des techniques. Comment voulez-vous, avec la définition des techniques, en disant qu'à chaque fois qu'on nous donne une nouvelle technique, ça va être la solution miracle, on aborde la complexité de rajouter une technique dans un écosystème très compliqué. Pendant 25 ans, j'ai étudié ces questions aux mines avec mes amis. Il n'y a rien de plus difficile que d'introduire une nouvelle technique dans un écosystème technique. Et pourtant, je ne vous sens pas pessimiste. Ben, je ne suis pas du tout pessimiste. C'est un changement avoir sous les yeux un changement de civilisation aussi massif que celui dont on parlait hier à propos de Monteverdi, c'est-à-dire un changement de ce style, celui du 16e, 17e, ça ce n'est pas particulièrement décourageant. Et serons-nous à la hauteur ? Ben, c'est à nous de l'être. Être à la hauteur, ça veut dire précisément absorber le choc que peut représenter pour des modernes, mal préparés, qui ont commis un nombre de crimes assez colossal, est-ce qu'ils peuvent se reprendre eux-mêmes, faire leur inventaire et se retrouver sur leurs pieds, c'est-à-dire sur leur territoire. Savoir où atterrir. Et pour se préparer à cela, Bruno Latour, on peut renvoyer les auditeurs au site modesofexistence.org, hein, qu'on mettra en ligne sur le site de France Culture. Oui, parce que sur ça, les gens ont la surprise de lire un livre qui n'a pas de notes, et pas de bibliographie, et pas de vocabulaire, mais en fait, c'est parce que tout est sur le web. Voilà, il faut aller voir ce site-là pour observer vos travaux. Il est régulièrement alimenté, n'est-ce pas ? Oui. Et tout ce que vous avez dit au cours de cette semaine, on peut le retrouver, donc modesofexistence.org. On mettra le site en lien sur la page des chemins de la philo, sur notre page. Alors, de vous, donc, où atterrir ? Comment s'orienter en politique ? Aux éditions de La Découverte, j'ai lu un extrait dès le début de l'émission. Un livre à lire maintenant, je pense, je vous encourage à le faire. Où suis-je ? J'en avais dit quelques mots, hein. Leçon du confinement, l'usage des terrestres, qu'on trouve aux empêcheurs de penser en rond. Et puis vous l'avez dit, mes mots sur la nouvelle classe écologique, coécrit avec Nicolas Schultz, qu'on trouve aux empêcheurs également de penser en rond. Merci infiniment Bruno Latour d'avoir Merci passé cette semaine à notre pendant 4 jours. Compagnie. C'était un plaisir. On se quitte, non pas avec Monteverdi cette fois-ci, avec une autre chanson qui chante ce qu'il se restera de la nature après la crise, c'est Neil Young. Well, I dreamed I saw the knights in armor coming, saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. On the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. Sur France Culture, les chemins de la philosophie. On passe de Bruno Latour à Neil Young et de Neil Young à Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne de philosophie, le pourquoi du comment. Comment rassure-t-on les êtres humains ? Le problème de la peur est pour les êtres humains l'un des problèmes fondamentaux de la vie, et il y a évidemment plusieurs réponses, plusieurs techniques, plusieurs dispositifs pour s'en prémunir. Il y a bien entendu d'abord des dispositifs de pouvoir. Nous devons lutter contre les dangers qui nous menacent et nous devons être sûrs qu'ils fonctionnent. Cette certitude, cette assurance nous est fournie aussi par un certain type de savoir. Et le savoir, la science en général, est évidemment une manière de s'assurer contre la peur, dans ce rapport à l'avenir, la prévention, la prévenance qui nous permettent aussi de répondre aux dangers dans la santé publique ou dans la politique en général. Et il y a enfin des techniques sociales, par exemple les techniques d'assurance où face à un risque, eh bien on se protège mutuellement et la protection est évidemment le souci fondamental des êtres humains en général. Il y a donc toutes ces techniques d'assurance, de protection, de savoir, de politique qui nous disent quelque chose des ressources des humains face à ce qui les menace et à cette représentation de la menace qu'est la peur et qui est une sorte de menace au second degré. Mais il y a peut-être une technique plus fondamentale encore pour les humains, pour se rassurer, et qui renvoie peut-être à la source la plus fondamentale aussi de la peur. Écoutons l'un des exemples de cette réponse humaine à la peur. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo. Oui, bien sûr, il s'agit d'une berceuse, d'une des plus belles berceuses. Duerme, duerme, negrito. Une maman qui chante à son petit garçon, un peu comme dans Fais dodo, cola mon petit frère. Papa est en haut, maman est en bas, ou c'est le contraire, elle fait du chocolat. La berceuse. Pourquoi y a-t-il cette dimension de la chanson que se chante, que s'adressent les êtres humains comme technique pour se rassurer en profondeur? C'est peut-être parce que l'origine de la peur, de la détresse fondamentale des êtres humains ne consiste pas dans la perception objective des dangers. Ils viendront bien assez vite. Ils sont là, ils nous entourent. Nous sommes des vivants sur cette planète. Mais d'abord, dans la vulnérabilité les uns par rapport aux autres et la manière dont nous pouvons aussi, dont nous devons venir au secours les uns des autres, qui est la manière fondamentale dont nous nous rassurons dans notre vie première, dans notre vie primaire. Par exemple, dans la détresse du nourrisson, les comportements adressés, les chansons en effet de ceux qui les protègent. Ainsi, la berceuse, qui peut être impuissante face aux dangers du monde, constituera toujours la ressource première, la tendresse en général face aux peurs objectives en constituant des sujets capables d'inventer toutes les autres réponses à toutes les peurs du monde. Cette berceuse, il ne faut donc pas la mépriser, c'est peut-être le creuset de toutes les résistances. Merci beaucoup Frédéric Vance, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Jules Barbier, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, qui a réalisé pour vous cette série d'émissions qu'on retrouvera aussi demain. À la prise de son, c'était Grégory Wallon. À la lecture des textes, François Raison. Je renvoie également à la revue Zadig au numéro 13 où on trouve un entretien fleuve avec vous, Bruno Latour, à l'ouvrage de Patrice Maniglier, Le philosophe, la terre et le virus. Beaucoup d'ouvrages autour de votre travail, donc. Et je renvoie, eh bien, au site de France Culture pour réécouter cette émission ou à l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en téléchargement et en podcast. À demain, 10h pour un cours particulier en compagnie de la photographe reporter de guerre, Laurence Jay. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.